Nous inclinons nos têtes. Tu inamishe vichwa. Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo yote. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristu. Nous te disons merci. Tu kona kiaksante. Pour cette occasion, Seigneur. Joaibati, Bwana. Tu as conduit le pas de tout un chacun en ce lieu. Matu a kila moja wetu paifashi. Seigneur, la Bible nous recommande de faire attention quand nous entrons en ces lieux, de ne pas offrir un sacrifice des insensés, mais de plus prêter oreille à ce que dira l'Esprit. Maintenant, Seigneur, comme il en est ainsi, éveille chaque esprit. Viens en aide à chaque sœur et à chaque frère. Donne-nous, Seigneur, à être très attentif à ce que le Saint-Esprit dira ce soir. Donne-nous à tirer profit, Seigneur, de ce que l'Esprit accomplira ce soir. Que ça ne soit pas tel que nous sommes entrés, mais fait que chacun repartant de ces lieux soit consolé, soit fortifié, affermi apate kushikamanishwa et béni suffisamment. Nous le demandons avec foi. Tuko neyomba na imani. Même à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent en ligne. Atabandu kwetu madada mentfuata kupitia mtandao. Au nom de Jésus-Christ. Mungina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout. Tu nimialika mupate kushimama. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna jaribu ile inaweza kumifikia ile yafikiaka mtu. J'ai cherché dans le dictionnaire, tentation veut dire qui. Majaribu ni kusema. Kisawishi. Kisawishi. Jaribu c'est épreuve. Tentation, c'est kishawishi. Kishawishi. Oui. Kishawishi. Kishawishi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna kishawishi hata kimoja kinemfikia kila kiafikiaka mtu. Et Dieu qui est fidèle, na Mungu mwenye kuwa mwaminifu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ataruhusu mupate kupata bishawishi vya kushindia nguvu yenu. Mais avec la tentation, lakini na bishawishi, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Atemtarishia namna ya kutokea mu. Afin que vous puissiez la supporter. Kusudi mupate kuyavumilia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mapendwa, fuyez l'idolâtrie. Mukimbie kuabudu sanamu. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki sehemu ya ndiko. Bien-aimés sœurs et frères, upendwa nduku na dada, c'est une très grande promesse que nous lisons. Ni malako mkubwa itunatoka mkusoma. Une très très grande promesse. Malako mkubwa kabisa kabisa. Dieu qui savait, Mungu mwenye kujua, ce qui arriverait dans la suite des temps après la chute. Bile bitafika mu miakati kisha kuanguka. A juré de ne pas permettre à Satan et aux démons de ne pas nous tenter au-delà de nos forces. Arilapa ashita ruswa ka shetani na mademona bapate kutujaribu kushindia. Comme tous ces esprits obéissent à Dieu. Savile imaro yote ikunati Mungu. Ils feront ce que le Seigneur demandera. Batafanya paka vile Bwana alilomba. Rappelez-vous le cas de Job. Mukumbuke mambo ya Job. Job a été tenté, Yobo alijaribiwa, mais pas au-delà de ses forces. Lakini haikukweka kushindia nguvu yake. Et Dieu qui est fidèle, na Mungu mwenye kuwa mwaminifu, c'est lui qui a promis ça. Ule arilaka hii. Donc chacun de nous, sema kila moja wetu, est à mesure, eko mkimo, d'expérimenter la victoire ya kuonja ushindi mwenye kuwa mkristu. C'est-à-dire, nikusema, hakuna zambi frère. Hakuna zambi dad. Pas un péché, il est à kushindwa. Qui peut vous surpasser. Sama aminifu. Comme chrétien. Hakuna busharaji. Ya pas l'adultère. Hakuna bongo. Ya pas les mensonges. Hakuna bwizi. Ya pas le vol. Bule butakuwa bwa nguvu sana kukushindwa. Qui sera plus difficile plus que toi. Ça c'est Dieu qui a promis. Il est le Mungu Dieu akifanya malako. Kama tuko naisha chini ya mapepo mchafu. Nous vivons en dessous de, sous la domination des démons. Là n'est pas la promesse de Dieu. Il est aina malako. C'est-à-dire il y a quelque part notre volonté mapenzi yetu iko na tenda. Il y a notre volonté qui joue à cela. Mapenzi yetu kuna tenda. Regardez ce que Dieu dit dans Jacques. Mwangari le Mungu anasema mu Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Quand Dieu dit une chose, kama Mungu anasema kitu kimoja, il ne peut pas revenir pour demander pardon et dire que non, je m'étais trompé la première fois. Dieu est parfait en tout. Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Mtu atamwashiseme mwakati anajaribiwa anapata mshawishi asema Mungu ananijaribisha. Tenter, ce n'est pas kujaribiwa. Kupimwa. Tenter vient de se pousser, tourner, être poussé à faire le mal. Et Dieu ne peut pas, oui, Dieu ne peut pas amener son fils ou sa fille à le mettre sur la piste pour qu'il commette un mal. Mungu achese kusukuma mtoto wake mwanamke wala mwanaume njoo afotende mbaya. Kwani Dieu ne peut être tenté par le mal. Mungu achese kujaribu kupitia bibaya. Et il ne tente lui-même personne. Na yeye mwenyewe ashijaribu wake mtu. Vous savez, vous suivez maintenant? Mnafuata. Dieu ne tente lui-même personne. Mungu ashitendisie chake mtu bibaya. Mais lakini chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Na mtu eko natenda vitu vibaya kama tamaa yake yenyewe ningia mkazi. Ni matamaa yetu. Notre volonté. Unafuia kuiba ni wewe ndio unafuia kuiba. C'est toi qui veux voler. Unafuia kusimanga ni wewe ndio unafuia kusimanga. C'est toi qui le veux. Unafuia kusharatika ni wewe ndio unapenda kusharatika. C'est toi qui veux commettre l'adultère. Mais Mungu yasta kuweka papista sio parfois je sais ndio usharatika hapana. Ne peux jamais te mettre sur un endroit où tu vas commettre le mal. Non non. Hapana. Mungu yasta fanya kabisa. Dieu ne peut jamais faire ça. Et même wakati unapatikana mu lorsque vous vous retrouvez dans la convoitise de la chair, Dieu, il ne permettra jamais au diable de te faire pécher. Maintenant, tu vas te poser la question, ce que nous faisons, c'est quoi? Ce que nous faisons, c'est notre volonté, c'est notre vouloir. C'est notre vouloir. Que le Seigneur bénisse. Ce qui fait muntu, il a fanya l'homme, eko à mesure ya kukatala. Il est à mesure de refuser. Sommes-nous ensemble? Ou à mesure ya kukataria kinwa yako kile binafia kutoka mkinwa yako? De refuser à ta bouche ce qui veut sortir. Ou à mesure ya kukataria moyo wako kile moyo inafia kufanya? De refuser à ton cœur ce que ton cœur veut faire. Et Dieu n'agit que sur base de ta volonté. Eko natenda ni yulu ya mapenzi yako. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, bilo naanza kupenda kufanya. Ce que tu veux faire. Ni bile njo napenda kufanya we mwenyewe ina Mungu. C'est toi-même tu le veux, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi en fin de compte, mwisho wa mambo, Shetani atakana bantu ba mimi. Le diable va réunir beaucoup de gens, va réunir. Il va dire non. Mimi likuye ni kufanya bile wewe unapenda kufanya. Moi je suis venu juste t'aider à accomplir ce que toi tu voulais. C'est toi qui voulais calomnier. C'est toi qui voulais insulter. C'est toi qui voulais voler. C'est toi qui voulais commettre l'adultère. Na Shetani anakuwa tunakusaidia kutimiza ile. Que le Seigneur bénisse. Mais Dieu, lui, de son côté, promet. Voyez, Dieu promet de ne pas permettre à Satan de vous faire faire des choses comme ça au-delà de vos forces. C'est-à-dire, quelque part, Dieu reconnaît que en l'homme, dans le croyant ou dans la croyante, il y a une certaine capacité de dire non. Ya kuweza kusema apana. De dire non. Ya kusema apana. Miripi ma frère minashindo. J'ai essayé mon frère. J'ai non, non. Ah, non. Tu apana. As voulu cette chose-là. Uripenda kile kintu. Tu as voulu cette Uripenda. Chose-là. C'est pourquoi une fois je disais. C'est... L'homme c'est un Dieu tout fait. Muntu ni Mungu mwenye kweneana. Devant la décision de l'homme. Mbele ya mipango ya Mungu. Même Satan ne peut rien. Ata shetani ashiwezake. Même Satan ne peut rien. Ata shetani anana kia kufanya. Frère, Nduku. Vous allez trouver parmi les Utona païens bapagano, muntu musanga ou bien kaonde. Musanga wala o, soit onde. Anakomela fashbe onakuna munkoyo. Il grandit mais là où on prend le munkoyo, le boisson indigène. Lui l'a dit, je ne prenais jamais. Il n'est même pas chrétien. Vous trouvez un homme dans l'armée. Vous allez voir muntu mkijesi ou askari. Il dit, je ne prendrai jamais du chanvre. Mais il est à côté des gens qui fument du chanvre. C'est sa décision. Il est ni mipango yake. Bwana mbariki. Vous trouvez des hommes aussi. Eko na konesha kusema. Naivi naanza kuzeka. Et jusqu'à ma vieillesse. Miriso katalaka kutemba na bibi mwingine par bibi yangu. J'ai refusé de coucher avec une autre femme en dehors de ma femme. Et il tient à ça. Na anesha kubamba kuile. Et il est en train de finir sa vie comme na, ça. Eko naishi maisha yake nenda kumwisho vile. L'homme est un Dieu. Muntu ni quand Mungu. L'homme se décide de wakati faire quelque chose, cela arrivera. Regardez ce que Dieu Mungalie a dit kile, au temps de Nimrod. Dieu a dit, Mungu arisema, comme ils se sont entendus pour faire quelque chose, savile barijeka, fashimoya, cela arrivera. Ile itafika. Quand l'homme se décide wakati à accomplir quelque chose, cela doit arriver. Ile kinapasha kufika. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Faire l'issue. Pasula njia. Quand l'homme est dans une épreuve. Muntu kame kumjaribu. Quand l'homme est coincé. Muntu anasongwa. Quand l'homme est totalement mis dos contre mur. Anafika kibumbaki bambashi. Et qu'il se décide. Na anabeba samipango. D'avancer avec Dieu. Ya kuendelea na Mungu. La voie s'ouvrira. Njia itapasuka. La voie s'ouvrira. Njia inapasha kupasuka. Écoutez comment frère Branham parle. Mushikie namna kanduku Branham unasema. Dans tenez-vous là. Mumaubiri mushimame pale. Et voyez la délivrance de l'Éternel. Na mone ukombozi ya milele. C'est une prédication prêchée le 29 juin 1957. Le 29 juin 1957. Il fait allusion à Israël devant la mer Rouge. Eko naonesha Israël par la fière mbele ya bari mwekunda. Citation 13. Nuta yake ya 13. Il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, iko kigeni sana kuona bantu wakati wanabeba mipango juu ya Mungu. Ni ya kushangaisha kabisa. C'est très étrange. On dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans le roue. Utona kusema shetani njoo kunawazuiza mumpeto yabo. Kama frère au dada. Si un frère ou une sœur. Anabeba mipango ya kuishi kile neno la Mungu. La décision de vivre c'est que la parole de Dieu. Observez maintenant. Shetani atafanya yote njoo kumbarenji. Pour faire pour lui barrer le chemin. Mais Dieu. Lakini Mungu. Frère une issue. Anekaraka mkupasula njia. Kama unabeba mipango si, frère, unabeba mipango dada. Ya kwanza kuishi kile neno la Mungu nasema. Il est vrai shetani atalamuka. Mais wa milele naye anasema paka atapasula njia. L'Éternel a dit, je ferai ici. Cela veut dire quoi? Atakupa uwezo wa kushinda shetani. Il va te donner la puissance de vaincre le diable. Tuko pamoja. Sommes nous ensemble. Kama frère. Si nduku. Kama dada. Voilà ma sœur. On a décidé maisha yako. Prenez dans la décision dans votre vie. Ipate kuya yene kuambatana na neno la Mungu. Ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Mungu benaye kona kuya. Il vient maintenant. Kukusaidia. Bipate kufanyika vile unaanza kudecider. Ça peut s'opérer selon ta décision. Donc tu bebeni mipango. C'est ma prenons la décision d'être chrétien. Dieu aussi qui nous donnera la puissance, la capacité d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire, si un homme ne prend pas la décision de vivre conformément avec la parole de Dieu, Dieu aussi ne fera rien. Il est étrange. Iko qui gagne qui enchaîne. Quand les gens prennent position pour Dieu, Dieu fera tout pour ouvrir la voie. C'est-à-dire, les rendre capables d'accomplir ce pour quoi ils ont pris position. Que le Seigneur bénisse. On a une possibilité de prix. Frère, quand que les gens prennent position pour la parole. Quand un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, peu importe l'environnement dans lequel il vit, peu importe les tentations qui peuvent arriver, si il est décidé ou elle est décidée de vivre une vie sainte, Dieu lui permettra que cela se réalise. On est ensemble, hein? Pas moi, ah. Tout ceci est dit pourquoi? Pour susciter dans chaque frère et dans chaque sœur la soif, hein? De prendre une bonne décision. Soyez rassurés que en prenant une décision en rapport avec la parole de Dieu, Dieu est de mon côté. La toute-puissance est de mon côté. Ce qui est impossible deviendra possible. Bon embarque. Alors prenons de bonnes décisions. C'est ainsi que vous m'avez vu en priant dire ceci. Prenant Ecclésiaste 4, verset 17. Fais attention quand tu viens dans la maison de Dieu. Ne viens pas pour offrir un sacrifice des insensés. C'est-à-dire, ne viens pas tout simplement comme un touriste. Viens pour écouter ce qui sera dit. Et qu'est-ce qui vient d'être dit? Quand un homme, une femme est déterminé à être agréable à Dieu, Dieu lui permettra que la chose là se raccomplisse. Maintenant, soyez de ceux-là qui ont entendu et en repartant de ce lieu, repartant avec une décision de devenir un chrétien ou une chrétienne, Dieu sera avec vous. Bon embarque. Que le Seigneur bénisse. Ce qui est vrai, Satan et les démons doivent faire leur travail. Mais je vais vous lire la suite. Dieu laisse à Satan et les démons faire leur travail. Mais lui aussi accomplit sa promesse. Quelle est la promesse de Dieu? Quiconque prend position pour la parole, Dieu ouvrira la voie. Dieu sera avec lui pour lui permettre d'expérimenter les choses divines. On continue. C'était 13, je disais. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Mais Dieu fraye une issue. Certaines des plus grandes expériences que j'ai donc eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter, passer par-dessus ou de contourner, où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquillement. Ni pale milanza kupata mambo ya nguvu na pale ni shinda tamu kutokea ni ranza kala kimya tu. Maonjo ya munene mirifanya na Mungu. Plus grandes expériences que j'ai fait ni avec wakati miripatigana. C'est lorsque je me suis retrouvé kumbele ya mamambo devant des difficultés. Ya nguvu kabisa. Les problèmes de plus difficiles. Et j'étais resté calme et attendant voir ce que Dieu va faire. Dieu frère, il a une voix. Pas les mots, on a pas sous la kanjia. D'une façon ou d'une autre. Namna ya kwachana. Il n'a pas encore failli. Ashiachoka. Ashianguka. Il ne faillira jamais. Na atanguka kaka. Dieu ne peut pas faillir. Mungu awezi kuanguka. Regardez la citation. Mwangalie nukta. Attendez. 14. Nukta 14. C'est vers le milieu. Ni mkatikati. Mais parfois, mara ngine, le sentier de Dieu conduit droit à de tels endroits. Makanji ya Mungu inaongozaka mafashi ya vile. Mukufata neno la Mungu. En suivant la parole de Dieu. Inafikishaka ba minifu. Ça fait arriver les chrétiens. Dans situation ya nguvu. Dans des difficultés. Ni nane kona fanya vile. Qui fait cela? Shetani yako nafia kujibiria njia ya watoto ya Mungu. Veut vous frayer, veut vous barrer la route aux enfants de Dieu. Mukufata kile neno inasema. En suivant ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que lui appelle le sentier de Dieu. Dieu le Mungu na nduko na ita sema kanji ya Mungu. Kupenda kutimiza kile neno la Mungu inasema. En voulant accomplir ce que la parole de Dieu dit. Vous allez voir que les choses deviennent très difficiles. Écoutez maintenant. Chez qui est ça? Dieu, mais Dieu. Lakini Mungu. Tenait à démontrer sa puissance. Et qu'on a chimama njua konesha wezo yake. Mungu kile kifukuzio ya Mungu. L'objectif de Dieu. Mukwacha de fa bintu bikwe nguvu. Il laisse les histoires devenir difficiles. Et qu'on a besoin de konesha wezo yake. Il veut montrer sa puissance. Ah donc. Chacun de nous doit dire maintenant. J'ai soif de voir la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de voir la puissance de Dieu dans ma vie. Peu importe les difficultés de mes problèmes, je n'accepterai jamais de mentir. Je n'accepterai jamais de voler. Je n'accepterai pas de briser ma virginité. Dieu anime. Je dois voir la puissance de Dieu. Je n'accepterai jamais de faire une telle chose. Je resterai derrière la parole de Dieu. Jusqu'à la parole, je vais voir Dieu venir accomplir ce qu'il avait promis. Dieu aime manifester sa puissance. Mungu anapenda kuonekanisha uwezo yake. Ata magonjwa inakuya eche. Même si peu importe la maladie, je n'irai jamais dans des groupes de prière. Ata banyowe, même si on ne prend pas mariage, je ne peux jamais me faire marier aux païens. Est-ce que vous comprenez? Même si les choses deviennent très compliquées, je resterai dans la voie de la parole. Tabakia mungia neno. Pourquoi? Dieu anime. Dieu aime démontrer sa puissance. Mungu et soyons de ceux-là qui veulent voir comment Dieu démontre sa puissance. Frère, c'est ce que j'ai toujours dit. La chrétienté, c'est sur cette terre. Au ciel, il n'y aura pas l'histoire de vivre la chrétienté. Kama bintu binakuwa davantage compliqué. Si les choses binakuwa nguvu sana. Le chrétien se réjouit, il dit. Christu eko na furahi na kusema. Dieu est au rendez-vous. Mungu anapasa kuya hapa. Dieu est au rendez-vous. Mungu anapasa kuya hapa. Hivi binakuya humainement possible. Ya kushindakana. Biku bien. C'est bien, iko mzuri. Que les choses deviennent compliquées. Bintu bipate kuya nguvu sana. Impossible humainement parlant. Pourquoi? C'est alors que je m'attendrai davantage au Seigneur. On a prié. On a jeûné. On a tout fait. Rien ne s'est silence total. Alors là le croyant s'est dit. Anasema hapa Mungu anapasa kuya. Et quiconque a une telle confession. Ule wote kuna kukiri kwa vile. Dieu aime des gens Mungu comme ça. Anapendaka bantu wa vile. Bonne embarique. Mungu, que le Seigneur bénisse. Dieu Mungu aime manifester sa puissance. Anapenda kuonekanisha uwezo yake. Regardez toujours la même situation. Mwangalie msali mamoe. Vers la même situation vers la fin. Kumwisho. Notre Père céleste. Baba yetu wa kumbingu. Aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Anapenda ka batoto yake bayo akusema eko na muscle ya mingi eko na nguvu. Dieu aime ça. Mungu anapenda ka vile. Maintenant vous devez expérimenter ça wakati gani? Quand est-ce que vous allez expérimenter ça? Il faut qu'il y ait quelque chose. Inafadhali kwa kitu kimoya. Une opposition. Kupinganisho mwa fulani. Ah. Là on se dit. Na pale tunasema. Ici c'est une affaire de Dieu. Ah pa sasa ni kazi ya Mungu. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Mungu anapenda watu ba yuo asema iko na nguvu sana. Il peut faire des choses pour eux. Na anaweza kufanyia bintu. Citation 16. Nutaki ya 16. Écoutez, Mishikie. Mais Dieu, vers le milieu là, Katikati. Mais Dieu a arrêté la mer rouge. Mungu ashimamisha bari mokunu. Et on l'a vu manifester la délivrance pour son peuple. Na bariona anaonekanisha ukombozi wa taifa yake. Écoutez maintenant. Mishikieni sasa. Si seulement son peuple l'écoutait aujourd'hui. Kama taifa yake tu inamushikia leo. Nous sommes aujourd'hui. Et c'est tout leo. Oui. Ndio. Si chaque frère, si chaque sœur qui est venu ce soir peut vraiment écouter Dieu, si son peuple l'écoutait aujourd'hui et se tenait tranquille pour voir sa promesse, il aimerait leur montrer cette même chose aujourd'hui. Il aimerait montrer atapenda kuonekanisha qu'il guérit, ya kusema anatunzaka, qu'il change le cœur, qu'il donne le Saint-Esprit, qu'il fait des choses grandioses. Frère, tu n'as pas quoi na amwa kwa na nashia kusema Mungu ni wa guérir. Nous devons avoir soif de dire, de voir que Dieu est vrai. Je ne peux pas aller au ciel sans toutefois voir quelque chose dans ma vie. Délivrer son peuple de la servitude du péché, du doute, mushaka, des déceptions et de la maladie. Na magonjwa. Et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle Jésus est mort appartient au peuple. Na kila baraka ya kombozi yenye Yesu alikufia iko ni ya taifa yake. C'est pour vous. Ni juu ya yenu. Bwana mbariki. Mungu, que le Seigneur bénisse. Unaona mena mambo ya Mungu. Voyez les choses de Dieu. La plus grande maladie aujourd'hui, magonjwa mkubwa leo ni nini? À l'église, ni kanisa, c'est cette fermeté qui manque. Ni ile kushimama imara njo ni tukosa. Kukatala kutenka mubintu bya Mungu. Refuser de ne pas bouger dans les choses de Dieu. Dieu veut voir une fermeté. Mungu anapenda aone kushimama imara. Comme il a vu c'est Abraham. Paka vila aliona kwa Ibrahim. Aliona kwa Daniel. C'est Meshach. Aliona kwa Meshach. Voir la même fermeté aussi. Kona ile kushimama imara kwa leo. Il laissera Satan faire n'importe quoi. Atamwacha shetani afanye ile utampenda. Pour qu'en fin de compte il démontre sa puissance. Mwisho yote Mungu aonekanishe uwezo wake. Mais où sont ses frères et ses sœurs? Sasa banduku na badada beku wapi? Ili tenir ferme dans les choses. Bali wanapenda kushimama imara mubitu ya Mungu. C'est là le problème maintenant. Jo pale peko mambo. La Bible dit. Biblia inasema. Je crois que c'est dans Esaïe. Nathania ni Esaïe. Esaïe 25 je crois. Esaïe 25. Esaïe 25. Non, non, Esaïe 26. Makumi mbili na sita. Esaïe 26. Esaïe 26. Esaïe makumi mbili na sita. Regardez comment Dieu parle. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Kwa ule mwenye kushimama imara mania yake. Celui qui est ferme dans son cœur. Ule anesha kushimama imara moyo yake. Ferme en quoi? Kushimama imara mnini? Dans les choses de Dieu. Ubintu ya Mungu. À celui qui est ferme, qui ne bouge pas, celui-là qui désire à tout prix, nous maïcha et qu'il n'y a pas qu'il est né dans sa vie, qui puisse faire rien que ce que la parole de Dieu dit. Que fait Dieu? Tu assures la paix. Dieu donne l'assurance dans le cœur. Et cette assurance produit la paix. Même quand rien ne s'est fait, tu as une assurance que je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. À celui qui est ferme dans ses convictions, Dieu lui donne une assurance. Cette assurance produit la paix. Regardez. Parce qu'il se confie en toi. Dieu anatumaini ndani yako. Confie-moi l'Éternel la perpétuité. Mutumaini mwa milele kwa lote. Car l'Éternel. Ka kwani wa milele. L'Éternel. Wa milele. Est le rocher des siècles. Dieu mwamba ya milele la milele. Des siècles de siècles. Milele na milele. Les gens se sont appuyés Bantu sur lui. Baritegemea lui yabo. Ils n'ont pas été déçus. Na abakupatisha ke haya. Alors appuyez-vous sasa sur lui. Sasa mwena mwoye mutumaini mutegemea lui yake. Faites ce qu'il dit. Mfanye bile anasema. Il est celui qui n'a pas déçu des gens dans les âges passés. Ule ashupatisha ke haya bantu mashiku ya kumkongo. Le rocher des siècles. Mwamba ya miaka. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Angusha, bale angusha. Kukala yulu. Bale yulu ni bana, ni c'est qui était dans l'auteur, c'est qui? Ni Satan. C'était les diables et les démons. Angusha, les a déjà fait tomber, les a renversés. Il a baissé la ville superbe. Yulu. On peut s'arrêter là-bas. C'est ce qui manque aujourd'hui. Frère. Nduku. Vous allez trouver un frère. Vous allez trouver une sœur. Cinq ans dans la dans l'église. Parce que dans la foi c'est compliqué. Six, dix ans. Qui vient écouter. Mais on ne trouve pas de la fermeté chez lui. Mais comment est-ce que tu iras au ciel? Comment est-ce que tu iras au ciel? Nous venons écouter la parole de jour Dieu. Jour pour jour. Chiku kwa chiku. Dieu fait que nous enracinons dans la parole de Dieu. Et quand nous entendons la parole, chacun selon sa circonstance, chacun selon sa situation, cela me rend ferme il que je ne céderai plus à Satan. Il est que et je crois vraiment Namin. Que vouloir ou pas, Apende, le Seigneur me rendra capable de vivre toute la parole. Wana atenipa uwezo ya kuishi neno lote. Faire l'issue, c'est te rendre capable. Ce que tu n'étais pas capable de faire. Comme tu tiens ferme, Dieu est obligé de te donner une assurance. Que le Seigneur bénisse. C'est la chose qui manque dans l'église. Voilà, regardez les gens, les jeunes gens comme les Shadrach et les Shadrach. Ils n'avaient pas beaucoup de prédications comme nous. Ils n'avaient pas beaucoup de témoignages, non. Mais regardez quand ils ont ils étaient en face du roi là. Frère, le roi leur pose la question. Vous voulez me dire que vous exceptionnellement vous ne pouvez pas vous prosterner? Moi kwa kipekee mtaweza kuinama mbele ya sanamu? Vous prenez une telle décision? Unabeba mipango ya vile? Shadrach Meshach. Hein? Shadrach Meshach. Banangaria roi banasema. Ils ont regardé le roi. Atuna na kia kusema. Ils ont dit nous n'avons rien à mais dire. Mais Mungu le tunamini. Mais le Dieu en qui nous croyons. Tanuru wa moto aite tufankini. La fourneuse de feu ne nous fera rien. Le roi était étonné. Dit la fournée ne vous fera rien. Ils ont engagé Dieu. Et Dieu aime des gens qui l'engagent. Dieu sa parole. Sa parole. Frère, Moi, je crois qu'une fois pour tout, même quoi faible, même qu'ils étaient après, après avoir écouté les termes, quitte ici avec la décision. Si je ne suis pas chrétien, c'est moi-même. Dieu, il est là, il existe. Désirez le voir dans votre propre vie. La chrétienté, c'est prendre la décision. Lisons un peu ça. J'ai toujours aimé. C'était dans Daniel, je crois, 3. Daniel 3. Daniel, attendez. Oui, Daniel chapitre 3. Daniel sur la tatou. Daniel 3. Daniel sur la tatou. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est-à-dire, il faut mourir, je vais mourir. Et c'est la chose qui ne te laisse pas voir parmi les chrétiens. De telles décisions n'est pas manifeste dans la foi. C'est un petit problème, c'est non. La personne est bralée. Le mari qui te met en colère. Et moi aussi j'irai chez nous. Tu n'es pas fermé dans les choses de Dieu. C'est la femme qui fait quelque chose. Oh, je vais te répudier. Nous avons déjà accepté la parole de Dieu. C'est pour que toute notre vie soit parole. Ce que ma femme peut me faire. Importe ce que mon mari peut me faire. Importe ce qui peut arriver dans ma vie. Je suis engagé à observer seulement la parole de Dieu. Que ce soit dans la famille, n'importe quelle situation. C'est la chose qui manque à l'église. Quand vous entendez que Dieu lui a fait la promesse d'ouvrir une voie, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la maladie, peu importe ce qui vous coince, Dieu lui se tient à vos côtés pour ouvrir la voie. Alors prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. Je ne peux pas tomber dans les péchés. Je ne peux pas faire ce qu'on me demande de faire. Et Dieu sera de ton côté. C'est comme ça qu'on agit tous les temps. C'est pourquoi la Bible dit. Ces choses ont été écrites pour que nous nous tirions des leçons. Que le Seigneur bénisse. Nous nous puissions tirer des leçons. Regardez un jeune homme comme David. Qui a sa Daoudi. Frère, Duku. Le jour où David est arrivé au front pour affronter Goliath. Il est Daoudi arrivé à convaincre Dieu comme un Goliath. Écoutez le langage. Quand tu es ferme dans les choses de Dieu, le Saint-Esprit, lui, t'amènera à proclamer la victoire avant la guerre. C'est ça que vous ne croyez pas. C'est ce que nous doutons. Regardez ces jeunes gens quand ils ont parlé. Dieu nous délivrera de la fournaise et de ta main. Ça avait déjà eu lieu. Non. Mais ils étaient là en face du roi. Et ils attendaient être jetés dans la fournaise. Quand vous regardez bien les choses de Dieu, Dieu, quand quelqu'un s'appuie totalement sur lui, Dieu commence à utiliser sa bouche pour proclamer déjà la victoire. Et la chose aura lieu. Ça Sasa ni ile njoba Kristo tukunashindwa. C'est ce que nous avons manqué. Chokule tukunashindwa. C'est là où nous avons failli. C'est pourquoi vous voyez que je quand Paul écrit aux Hébreux. Paul le nanjika wa Ibrania, wa Ibrania ine. Hébreux 4. Wa Ibrania ine. Hébreux 4. Wa Ibrania raine. Hébreux 4, verset 14. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. En termes simples, c'est quoi? Vive qu'un bingu tout qu'on a monde. Au ciel, nous avons quelqu'un. Croyez-vous qu'au ciel, on a quelqu'un? Au ciel, il y a quelqu'un. On leur demande quoi? Demeurez ferme dans ce que vous déclarez. Je crois que c'était pendant les réunions de réveil. Quand Job parlait, on a lu ça dans Job. Job dit, le témoin qui est au ciel ne peut pas mentir. Le témoin qui est au ciel ne peut pas échouer. Et maintenant, comme vous avez un témoin au ciel, ça veut dire quoi? Au ciel, il y a un homme. À cause de José, il a été blessé. À cause de José, il a accepté la couronne de pierre. Et quand José réalise, au ciel, il y a un homme pour moi. Je ne céderai pas. Parce que les choses s'opéreront. Mais c'est à toi maintenant de comprendre que au ciel j'ai quelqu'un. Si vous dites que vous avez cru à l'œuvre de Golgotha, croyez mêmement au ciel, il y a un homme avec des blessures pour vous personnellement. N'engagez pas quelqu'un d'autre. Sachez que c'est pour vous. Mais comme il y a quelqu'un au ciel pour vous, et que le ciel a approuvé cette offrande-là, mais ce que vous demandez au ciel, Jésus-Christ, il est pour qui au ciel? Êtes-vous concerné? Est-il les membres de si vous êtes concerné, demeurez ferme. Ne bougez pas. Il a été blessé pour quoi? Pour ma guérison. Il a été blessé pour ceci ou cela. Maintenant, je suis celui qui doit prendre ces choses-là dans mon cœur et les proclamer. N'est-ce pas la victoire avant la guerre? Et les choses se réalisent. C'est le même principe. Pour le Daniel, notre Jéhovah, devant la fournaise, la fournaise ne peut rien. Notre Jéhovah, devant le roi n'est rien. Alors, il nous délivrera. Comme est la fournaise et le roi ne peuvent rien devant Jéhovah, et que nous on a Jéhovah. Est-ce que vous réalisez? Les gens n'ont pas compris. Ne, venez pour écouter. Soyez attentifs. Vous savez, la foi, imani, la délivrance, ukombozi, la guérison, matunzo, tout ce que vous voulez là, se réalise dans le cœur lors de la prédication. Maintenant, quand lors de la prédication, vous manquez ça, c'est Satan qui va s'aimer en vous. C'est Satan qui va semer en vous. Moi-même, je sens maintenant que nous tous, c'est pour nous que Christ est au ciel. Mais celui qui est au ciel, dans Job, il est dit, le témoin céleste dit des choses vraies. Combien se rappelle l'écriture? Nous avons lu ça, c'est dans Job. Le témoin qui est au ciel, il est vrai. Il ne peut pas mentir. Écoutez maintenant. Il est vrai comment? Ce qui a été fait, c'est la vérité. Satan et le démon n'ont aucun droit sur nous. C'est-à-dire au ciel là-bas, il a amené un témoignage vivant. Vous avez exigé les blessures. Vous avez exigé la couronne. Vous avez exigé que je devienne péché. Pour tel frère et pour telle sœur. J'ai accompli cela. Jésus en disant tout est accompli. C'est ce que Dieu exigeait. Et maintenant il est monté vers celui qui exigeait ça. Le juge suprême a déclaré libre tous ceux qui ont cru. Ah, si ceci si vous manque, je kama ne sais pas. Romains 8. Wa Roma. Romains 8. Wa Roma. Frère, Nduku. Les grandes choses divines, bintu c'est pendant la prédication. Quand cela vous manque, nous suivons ce que vous faites. Maintenant, saisissez encore. Tata Romains 8. Wa Roma 8. Romains 8. À Roma. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? Qu'est-ce que Dieu avait exigé? Que ce soit un homme sans défaut. Que lui devienne péché. Que lui accepte la couronne de vie. Que lui accepte de devenir malédiction. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu, ce qu'il a exigé, a été accompli, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché? Satan sera plus fort que nous. Satan est encore en guerre contre nous. Qu'est-ce que nous disons? Il y a quelque chose que nous devons dire, non? Tu que tu as passé à Kusema. À l'égard de quoi? De ce qui a été fait à Golgotha. Vous les n'engagez quasi timika Golgotha, Mungu. Ces exigences. Ma gizoyaki. Ont-elles été accomplies ou non? Il timilika ndio wala pana. Oui. Ndio. Toutes les exigences de Dieu. Ma gizoyote ya ki il timilika. Que devons-nous dire? Ça, tu n'as pas ce que c'est mani. Dieu est-il de notre côté, oui ou non? Et kongambo yetu ndio wala pana. Mais si Dieu est de notre côté. Na kama Mungu kongambo yetu. Alors nous restons comme ça. Et tu tabakia hivi? Si mushikie kwa tamwe. Comprenez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu lui, kama Mungu ye, ce qu'il exigeait pour la guérison a été donné, ce que Dieu exigeait pour le pardon des péchés a été donné, ce que Dieu exigeait pour que tu aies le Saint-Esprit lui a été donné, ce que Dieu exigeait pour que tu aies un cœur nouveau lui a été donné. Que devons-nous conclure? Avons-nous droit à ces choses, oui ou non? Les gens n'ont pas compris jusque là. Que dirons-nous? Tout à ces manières. Bile Mungu arilomba. Ce que Dieu a exigé. On lui a donné ça. Pour qui? Pour le frère et les sœurs. Maintenant, le frère. Tout à ces manières. Qu'est-ce que nous allons dire? En conclusion. Comme on t'a payé. Tu n'as pas ce que nous devons recevoir, oui ou non? Le ciel dit, c'est oui. C'est à toi de dire, je l'ai reçu. C'est comme si tu es en train de rêver. Oh. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bwana Mungu atusaidi. Écoutez maintenant. 32. Makumi, lui, yei, qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour les Kasaïens, pour nous tous, comment namna kani ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Atashinda kutupacha kintu kyote pamoja na yeye. Comment ne peut-il nous donner le Saint-Esprit? Comment dans l'épreuve dans laquelle tu es, Dieu ne peut pas ouvrir la voie? Comment Dieu, dans ta maladie, ne peut pas donner la guérison? Comment Dieu, dans ton blocage, ne peut pas intervenir? Est-ce que vous comprenez cela? La foi imani vient de ce que l'on a. Vina tokia ngule to ashikia. Si tu as entendu, kama unashikia, alors que la foi soit maintenant manifeste. Imani ipate kuonekanisha. Si la foi est là, na kama imani kwa Hebreu dit, demeurez ferme, mubakie dans ce que imara, maintenant. Ce que vous croyez, et proclamez-le. Na mutangaze yo. Ah, c'est ça, non? Jovile. C'est ça, non? Jovile. Parce que demeurez ferme dans la foi que vous professez. Ce que vous devez professer doit venir de moi. Vous avez reçu ça dans votre cœur. Ce que vous recevez dans votre cœur vient d'où? Les Écritures. Que dirons-nous? C'est-à-dire, en bref, qu'est-ce que nous allons dire? Pour que je puisse être guéri, ça veut demander quoi? Pour que je puisse être marié, ça veut demander exiger quoi? Pour le pardon, on avait exigé quoi? Pour avoir le Saint-Esprit, on avait exigé quoi? Que je puisse avoir une vie de sanctification, on avait exigé quoi? On lui avait tout donné. Lui me doit quoi? Tu sais pourquoi Jésus est mort à Golgotha? Yo tenye Yesu alikufia. C'est pour moi. Niyangu. Alors, Sasa. Tu sais pourquoi Jésus est mort à Golgotha. Tu te trouves dans quelle situation? Est-ce tu malade? Mwenye kwa mgonjwa. Bloqué? Mwenye kufungwa. Coincé par quoi? Mwenye kusongwa. Mais tu Sasa. Sais Jésus est mort. Bile biote Yesu alikufia. Cette même puissance. Il est uwezo wa moyo. Doit entrer en scène. Il n'a pas su kuingia mkazi sasa. Doit entrer en scène. Il n'a pas su kuingia mkazi. Que le Seigneur bénisse. Frère, Nuku. Regardez comment quand les gens de la Bible ont compris ça. David a parlé comme ça. David a parlé comme ça. Psaume 32. Zaburi makumi tatu na mbili. Mambo ya Mungu ni ya byakweli. Les choses de Dieu. Maintenant, on demande que ceux qui vont accepter d'expérimenter ça. Psaume, attendez. Mongolais. Non, non. Prenez psaume 27. Psaume 27. Oui, c'est là-bas. Psaume 27. Parle. Psaume 27. David dit ceci. L'Éternel est ma lumière. Sura yake. Wa milele ni nuru yangu sura kwanza. Et mon salut, mon sauveur. O mkombozi wangu. Alors, mitaongopa nini? Je ne craindrai rien. Wa milele njo L'Éternel est mon bouclier. Mitongo pa nini? De quoi craindrais-tu? Je suis du côté de l'Éternel. De qui craindrais-je? Mitakuwa na musemo kani? Quels sont les mots que j'aurai? Quelle sera ma conduite? Parce que je suis du côté de l'Éternel. Frère. Quand David disait ça, regardez, je termine, mais apprenez ça. David en allant vers Goliath. Mukwenda kumaisha Goliath. Il a évoqué deux cas. Arita mambumbi, il tosema mambumbi. Le cas de l'ours. Ya kwa ya et du lion. Ya ule Simba. Mais regardez comment ce jeune homme là. Ngari ule kiana namna ansem. Où le Mungu? Le Dieu, c'est Dieu là. Alinisaidia ka kumikono ya duku. Qui m'avait aidé dans entre les mains du loup. Wakati ndipatana na Simba. Lorsque je me suis rencontré avec les lions. Atenipatia huyo mtu. Il me donnera cet homme. Maintenant, nous, comme les chrétiens, dans les choses de Dieu, voyez, cherchez une petite expérience dans laquelle vous êtes passé et que vous êtes convaincu que ça, c'était l'intervention divine. Mais maintenant, vous êtes en face de quelque chose de grand aussi. Appelez le même Dieu qui vous a aidé autrefois. Il déploie la même puissance pour le cas présent. Atoche uwezo mwa mwanjo imambo ya sasa. C'est comme ça qu'il faut marcher avec les choses de Dieu. Vrai, il y a quoi qui Dieu est avec nous ici. Mungu est qu'on a chié. Mais c'est une puissance. Ça, c'est quand on l'exploite pas, bah, il est là, à la bonne disposition. Qui doivent exploiter non, ça. C'est vous et moi. Et la parole est apportée pour réveiller chacun à comprendre qu'il y a beaucoup de, plus, de privilèges en ayant cette puissance-là. Frère, Nuku. Ça ne demande pas d'abord que vous gênez, non. Ça demande chakula. Que vous recevez si vous recevez ça. Et que vous vous engagez na dans la chose. Quand la Bible dit, wakati bila sema, que dirons-nous? Tout à sema ni. C'est pour vous montrer que c'est sema. Un homme qui comprend pourquoi Christ est mort à Golgotha. On lui pose la question. Que vas-tu conclure sur base de ça? C'est-à-dire, prononce la parole. Si y a tout ce que Dieu a donné. Comment vas-tu rester esclave de l'ennemi? Bonne mbari. Que le Seigneur bénisse. Nous ne pouvons pas rester dans cet le état. Le Saint-Esprit est pour nous. La guérison est pour nous. La sainteté est pour nous. La victoire est pour nous. Tout est pour nous. Même la mort est pour nous. Dieu nous l'a donné comme moyen de transport pour accéder dans l'autre monde. Tout est pour nous. Et vous qui êtes héritier, réellement comprenez que vous êtes héritier. Vivez en conséquence. Vivez en conséquence. Dieu se tient là attend qu'on l'invite pour ouvrir la voie. Mais les gens ne l'invitent pas. Qu'est-ce que fait Dieu? Et pourtant, nous sommes coincés. Il y en a qui sont coincés. Mais Dieu attend qu'il soit appelé en scène. Bon ami, que le Seigneur bénisse. Nous nous arrêtons par ici. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons nous voir demain. Du coup, je reste pour nous entonner un cantique. Combien? 226 nimbo za Mungu. Tutashimama shibote. Nous allons tenir tous debout. Ma soeur, appelle Dieu, que Dieu puisse t'aider à comprendre les choses de Dieu. C'est pour cette église, nous devons montrer que nous sommes des héritiers.